Green card. Bonjour Faustine, votre carte verte est prête. Vous avez 10 jours pour aller la récupérer à Paris. À Paris? Ils peuvent pas l'envoyer par la poste. Ils savent que je viens d'accoucher. Non, oui. Légalement, vous auriez dû attendre bien gentiment à Paris qu'on vous la donne. Ouais, c'est vrai, soupire Faustine. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Après tout, vous avez eu la paix jusqu'à présent. Et une grossesse de rêve, non? Et je fais comment? J'y vais avec le bébé? Maxime est en France actuellement. Je suis toute seule ici. Emmenez-le. À son âge, il voyage gratuitement. Comme ça, si quelque chose foire, il sera avec vous. Et en plus, vous pourrez continuer à le nourrir. Charmant. Bon, je vais le faire inscrire sur mon passeport. Parfait. Vous me tenez au courant? Bien sûr. Voici un aléa auquel Faustine ne s'attendait pas. Mais l'avocate a raison. Il est temps d'assumer et d'arrêter de se plaindre. Le lendemain matin, elle embarque Julien dans son couffin et prend la route de Washington. Les 30 premiers miles ne posent pas problème. Par contre, depuis M Street, comment atteindre l'ambassade de Suisse? Faustine tourne et tourne encore dans Georgetown, prend un sens interdit et se trouve soudain face à 4 files de voitures, monstres vrombissant dans sa direction. Réflexe de survie, elle s'enfile fissa dans une ruelle adjacente. Tremblant comme une feuille, elle reste KO un bon moment, pleure un petit coup doucement pour ne pas réveiller Julien, puis décide des grands moyens. Sortant de sa voiture, elle hèle un taxi, demande au chauffeur de bien vouloir lui tracer la route jusqu'à l'ambassade, ce qu'il accepte volontiers du moment qu'on le paye. Faustine se calme, suit tranquillement son guide, atteint sa destination, paye et renvoie le taxi et gare sa propre voiture. Elle est arrivée. Ouf! Son bébé sous le bras, Faustine explique à la réceptionniste qu'elle souhaite l'inscrire sur son passeport tout neuf de femme mariée. On la dirige vers le bureau adéquat, mais là... « Ah non, madame, c'est pas possible. Votre fils est américain. Il lui faut son propre passeport. Vous devez remplir ce formulaire et me le rapporter, accompagné de 3 photos d'identité. Vous trouverez les consignes sur ce document. Prenez garde à ce que les yeux soient ouverts et le visage disposé de 3/4. Où se trouve le photomaton? En bas de la rue. » Et Faustine de rembarquer son bébé et de se rendre à pied, cette fois en quête du photomaton. « Oh, miracle ! Elle en trouve un rapidement sur M Street. Elle suit les consignes au mieux, mais essayez de faire tenir assis un bébé d'un mois. Enfin, elle remonte le résultat à l'ambassade. Bien sûr, il est midi passé, les bureaux sont fermés. Revenez à 14h. Par chance, il fait beau ce jour-là. Faustine s'installe sur un banc. Elle allaite son bébé sous le seul regard des écureuils gris, sans provoquer d'attentat à la pudeur. À l'heure dite, elle affronte le fonctionnaire. « Je suis désolée, madame, mais ces photos ne conviennent pas. »« Oh non, c'est pas possible, pourquoi ?»« Votre fils ne se présente pas de 3/4 et ses yeux ne sont pas suffisamment ouverts. »« Mais enfin, c'est un nouveau-né quand même. Vous avez une idée de la vitesse à laquelle il change ?»« Il sera valable combien de temps, votre passeport ?»« 3 ans, mais c'est la consigne, je suis navrée. » Là, la moutarde de Dijon, forte, commence à lui monter au nez. Cependant, ayant appris durement qu'il ne faut pas trop contrarier les fonctionnaires US, et n'étant plus seul en cause, Faustine obtempère et retourne toujours à pied jusqu'au photomaton. Miraculeusement, cette fois, elle est bonne. En 20 minutes, on enregistre sa demande, elle recevra le nouveau passeport par la poste. Youpi ! Et merci tout le monde. La maman arrive à rentrer avant la nuit. C'est très pratique, un nourrisson, ça dort tout le temps, bis repetita. À peine est-elle rendue à Gainesville que le téléphone sonne. « Hello, Faustine, c'est encore votre avocate. J'ai une mauvaise nouvelle. Renseignement pris, vous ne pourrez pas prendre Julien avec vous, parce qu'il n'est pas sûr qu'on vous laisse le sortir du pays. On pourrait vous accuser d'enlèvement. » « Mon propre fils ! Mais c'est d'un ridicule !»« Je sais, c'est dur, » répond l'avocate, « mais je suis comme vous, obligée de subir. Est-ce que vous allez trouver quelqu'un pour s'en occuper et pouvoir vous rendre à Paris dans les temps? J'espère, je n'ai pas le choix. Je vais passer quelques coups de fil, on verra bien. Parfait. Si vous avez un problème, appelez-moi. Je maintiens le rendez-vous en France. Faustine s'assied 5 minutes, allume une cigarette, histoire de digérer ce dernier choc. Si au moins Maxime était présent. Mais non, comme d'habitude, il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Elle ne peut évidemment pas confier l'entière responsabilité de son frère à Anaïs. La jeune fille n'a que 14 ans. D'ailleurs, elle vivra chez des amis en leur absence. Faustine appelle Colline, qui malheureusement sera en voyage de son côté. Sa fille, Donna, est bien occupée avec ses 4 gamins. Lynn, leur propriétaire, refuse à son tour, se jugeant trop vieille. Finalement, il ne reste plus que Laurie, qui existe longuement, puis accepte, après une demi-heure de supplications et de chantage affectif. Après tout, elle est la marraine. Les 3 jours suivants se passent en initiation à la puériculture, recherche frénétique d'un tire-lait, achat d'une certaine quantité de biberons de lait maternisé. Enfin, elle réserve son billet d'avion, note les numéros de téléphone, pédiatre, pompier, police secours, hôtel à Paris, etc. C'est une chance incroyable pour Faustine de pouvoir compter sur une Laurie vive, intelligente et débrouillarde. Lynn dit qu'elle assurera les arrières au cas où. Faustine peut partir tranquille. Il ne lui reste plus qu'à préparer son bagage tout en remplissant les biberons de la semaine à venir. Tirer son lait, quelle affaire! Elle a la quantité, c'est sûr, mais il faut prendre le tour de main et ça fatigue. Les biberons pleins sont placés au congélateur. Faustine rigole. La dernière fois qu'elle était retournée en Europe, elle avait laissé quantité de plats tout préparés pour son homme. Et voilà qu'elle remet ça pour son fils. Enfin, le 6 décembre au soir, elle embarque sur le vol Swissair pour Zurich-Lauten. Avant d'aller à Paris, elle doit passer par Berne, demander un dernier document, indispensable paraît-il. Sur place, on lui donne le papier dans la demi-heure. Tous n'ont pas cette chance. En sortant du bâtiment administratif, Faustine constate un grand raffut. Une femme, visiblement étrangère, probablement réfugiée politique, est assise par terre, en larmes. Un témoin explique que la pauvre vient d'apprendre qu'elle n'a pas l'autorisation de rejoindre sa famille aux USA. Que dire devant tant de détresse? Faustine a prévu d'aller embrasser les siens à Lausanne avant de reprendre le train pour Paris. Le trajet passe vite entre Berne et Lausanne. Maman est contente de la voir. Toute la famille va bien. Le travail au centre catholique universitaire est intéressant. À 50 ans tout rond, maman se sent dans son élément. Stéphane travaille dans la cuisine du restaurant. La mère respire mieux si son fils est dans les parages. Papa, à 63 ans, prévoit sa retraite, même s'il s'occupe contre un peu d'argent de poche en gérant la comptabilité de quelques clients privés. Pas la peine de faire plus pour le donner aux impôts. N'est-ce pas lui qui prônait que moins on possède, moins on peut te prendre? Pourtant, il s'y connaît pour dépenser. 3 petits tours et puis s'en va. Faustine, après avoir embrassé tout son petit monde, rejoint Paris. Depuis cette année, le TGV fait la liaison Lausanne-Paris-Gare de Lyon en passant par Dijon. Maxime lui a pris une chambre à l'hôtel des grandes écoles. Elle ne le verra pas ce soir. Il prépare un séminaire en proche banlieue et dort sur place pour être à pied d'œuvre dès le matin. Afin d'occuper sa soirée solitaire, Faustine dîne dans un restaurant près de son hôtel, puis parcourt les rues qu'elle connaît si bien, sans oublier un petit tour au Slow Club et à la Huchette. Partout, on ne parle que de l'explosion de l'usine d'Union Carbide à Bhopal, en Inde, ce 3 décembre dernier. On ne connaît pas encore le nombre exact de morts, mais il semble que ce soit une tragédie. De retour à son hôtel, elle se couche aussitôt. Demain matin, si tout va bien, elle aura enfin la permission officielle de résider aux États-Unis. Convoquée à l'ambassade dès 8 heures, Faustine prend le métro jusqu'à la station Concorde. Arrivée en avance, elle se déleste de quelques objets sensibles, ciseaux à ongles, peigne, couteau suisse, dans une anfractuosité située sous les grilles. Puis, elle entre dans le bâtiment, présente son sac à la fouille, passe sous le détecteur, prend son ticket et va s'asseoir. La salle d'attente est pleine, truffée d'agents de sécurité. Cependant, la jeune femme est confiante. Son dossier est bien ficelé. Elle sort son livre et attend. 1 heure, 2 heures, 3 heures et demie. Enfin, on appelle son nom. Elle donne ses documents. La préposée, derrière le guichet, ni bonjour, ni merde, encore moins un sourire, examine le tout avec une grande attention. Le cœur de Faustine bat à 200 à l'heure. Puis, ce papier est là. Il faut le faire signer par votre mari. Maintenant? Mais il travaille à l'autre bout de Paris. Je n'ai aucun moyen de le joindre. Comment faire? Débrouillez-vous. Sinon, pas de carte verte. Mais j'ai mon bébé là-bas, gémit la jeune femme, sidérée par tant de cruauté. Si vous y tenez, faites le nécessaire. Personne suivante. Et voilà. Faustine, sonnée, livide, parcourt le trottoir devant l'ambassade. Plusieurs personnes s'arrêtent pour lui demander si elle a besoin d'aide. Pour finir, elle s'enfuit en courant, s'enfile dans un bistrot. « Donnez-moi un double whisky. »« Un autre. »« Encore un. » Comment joindre Maxime? Elle ignore le nom de l'hôtel où il donne le séminaire. Finalement, elle demande un jeton au barman. « C'est pour la France ?»« Non, les États-Unis. » »« Alors, c'est pas possible. » Justine s'arrête au bistrot suivant. De là, elle appelle la secrétaire de Maxime à son domicile, en Virginie, afin qu'elle lui donne les coordonnées de son mari à Paris. Coup de bol, Maxime n'est pas encore parti déjeuner. Entre deux sanglots, elle s'explique. « Donne-moi une demi-heure, je saute dans un taxi, j'arrive. » Ensemble, ils retournent à l'ambassade, subissent la fouille, puis se présentent au guichet. Heureusement, cette fois, on les fait passer en priorité. C'est la responsable en personne qui les reçoit, donne le document à signer à Maxime. « Pourquoi était-ce si important que je me déplace ?» demande celui-ci. L'ambassadrice, une afro-américaine au visage dur et froid, regarde Faustine droit dans les yeux et lui ordonne « Faites-le taire !» Maxime a compris. Il se tient quoi et signe. Sitôt l'acte accompli, la préposée donne à Faustine la fameuse carte verte. Le couple sort. Faustine récupère les petites affaires qu'elle avait planquées sous la grille, puis il traverse la ville en taxi, en échafaudant mille et une manières d'exercer une vengeance bien saignante contre ces fonctionnaires sadiques qui profitent de leur petit pouvoir pour empoisonner la vie de ceux qu'ils sont supposés servir. Faustine, laissant sortir sa rage tout en jubilant, chantonne. « Dans 2 jours, je serai près de toi, mon bébé, mon amour. »